إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit inshallah l'explication du livre القواعد والأصول الجامعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر As-Sa'di, rahimallahu ta'ala, donc les règles et les bases d'ensemble, qu'on appelle également al-qawa'id al-sa'diya, c'est-à-dire les règles sa'diya, nisbatan ila al-imam sa'di, rahmatullah alayhi, parce que c'est lui qui les a écrits, c'est lui qui les a rassemblés dans ce livre. Et il faut savoir également un point, al-imam sa'di, rahmatullah alayhi, il est étudié de fond en comble, si on peut dire ainsi, les livres de Charles Islam ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim rahmatullah ala al-jamia. Et on s'aperçoit que le shir dans les livres qu'il a écrits, surtout fi bab al-taq'id, lorsqu'il met en place donc les règles, on voit en fait qu'il s'est inspiré directement ou appris directement des livres de ces deux grands savants de l'islam. Et c'est ce qui ressort également ici, dans ce livre. On a vu la semaine dernière la première règle. On avait donné également l'introduction au livre, comment il était composé. Et donc on avait vu que dans la première partie, le cheikh va nous parler de Al-Qawa'id, des règles, Wal-Usul. Et donc on est arrivé à la deuxième règle. Cette deuxième règle, c'est la suivante. Al-wasa'ilu laha ahkamul maqasid. Al-wasa'ilu laha ahkamul maqasid. Si on traduit, bien entendu, on va l'expliquer, on va donner des exemples à travers ce qu'a écrit le shir, rahmatullah alayh. Les moyens, le premier terme, al-wasa'il. Al-wasa'il. C'est un pluriel. Et son singulier, c'est wasilatun. Wasilatun, que l'on traduit par les moyens. Lorsqu'on veut parvenir à une chose, on a besoin de moyens. Et ces moyens-là, on appelle ça al-wasail, qui est le pluriel donc de wasila. Wasila qui est à la waz fa'ilatun. Son jam, son pluriel, c'est donc fa'ail. Comme par exemple kabiratun, son pluriel c'est kaba'ir. Comme par exemple latifatun, son pluriel c'est lataif. Nom de man, wasilatun, son pluriel c'est wasail. Donc le premier terme c'est al-wasail. Laha ahkamul maqasid. Al-ahkam, bien entendu, c'est le pluriel de hukm, qui est la loi ou alors le statut juridique, le hukm que l'on donne. Et donc ce hukm, et c'est intéressant ici de voir que cette règle, elle va comprendre ces cinq statuts que l'on trouve dans la religion. Et le premier statut, qui est bien entendu al-wajib, le deuxième statut qui est al-mustahab, donc le recommandé, et pour le premier, l'obligation, le troisième, al-mubah, ce qui est donc permis, sans que les personnes reçoivent une récompense, ou alors qu'elles subissent un châtiment, ou alors qu'elle ait une mauvaise action lorsqu'elle fait cela. Elle a ni cela ni cela. Sans dans al-mubah, c'est au milieu donc. Et pour ce qui est de l'wajib, bien entendu, celui qui délaisse, il a une punition. Celui qui le fait, il a une récompense. Pour le mustahab, celui qui le fait, il a une récompense. Et celui qui le délaisse, il a rien. Al-wajib, al-mustahab, al-mubah. Et ensuite, le quatrième, c'est al-makruh. Al-makruh. et qui vient en opposer donc al-mustahab. Al-mustahab que l'on dit également al-mandoub, qu'on en appelle également al-mandoub. Al-mandoub. Al-makruh, c'est donc son opposé. C'est tout simplement celui qui va délaisser cette chose, il va avoir une récompense. Mais celui qui l'a fait, il n'aura pas une mauvaise action. Ou ça n'impliquera pas un châtiment. Ça, c'est al-makruh. Et le cinquième, en fait, al-muharram, fi muqabil al-wajib, qui est donc en opposé à al-wajib, al-muharram, al-mamnu', ce qui est l'interdiction. Et celui qui le fait, donc, il est puni. Et celui qui le délaisse, il a une bonne action, donc. Alors, ça, c'est ce qui rentre dans l'ahkam ici, le hukm. C'est-à-dire les cinq lois de façon générale, les cinq statuts que l'on retrouve dans la religion. Donc, à chaque fois qu'un savant il va donner un statut, un hukm, ça va tourner autour de ces cinq points. Al-wasa'ilu laha ahkam al-maqasid. Al-maqasid, qui est le pluriel de al-maqsad, et qu'on peut dire également al-qasd, c'est-à-dire ce qui doit être atteint. Ici donc, l'objectif. Que l'on traduit par l'objectif, que l'on traduit par le but. Al-maqsad. Et son pluriel, c'est al-maqasid. Donc, c'est l'objectif et le but. On a compris ces termes. Qu'est-ce que veut dire donc ici cette règle de façon générale? Al-wasa'ilu laha ahkam al-maqasid. C'est tout simplement les moyens et leur objectif ont un statut identique. Les moyens et leur objectif ont un statut identique. On aurait pu dire également les objectifs et les moyens pour y parvenir, pour parvenir à ces objectifs, ont un statut identique. Lorsqu'on dit statut, on sait qu'on a traduit par hukm, on va savoir et on va comprendre que si l'objectif qui est atteint, c'est quelque chose qui est obligatoire, alors le moyen va devenir obligatoire. Si c'est mustahab, mandoub, alors al-wasila, mustahabba, mandouba. Si c'est mubah, alors al-wasila, mubah. Mubah. Si c'est makruh, alors al-wasila, makruh. Et si enfin al-maqsad, ou haram, fal-wasila, muharrama, kadhalik. C'est ce que veut dire la règle, et c'est comme ça qu'on la comprend. Et à partir de cette règle-là, les savants, ils ont donc dit sous une autre forme une règle qui va en découler, qui va découler de cette règle al-wasa'ilu laha ahkam al-maqasid, et qui est la suivante. Et ici, on va donc placer les statuts, les différents statuts, les cinq qu'on a vus. On aura simplement à remplacer. Cette règle, c'est la suivante. Ma la yatimu al-wajib illa bihi fawa wajib. Ce qui est donc nécessaire et indispensable pour compléter une obligation devient à son tour obligatoire. Ena. Ma la yatimu al-wajib illa bihi fawa wajib. Ma, c'est âme ici. Et donc, ça va bien rentrer dans al-wasa'il. Dans tous les moyens qui puissent exister, que l'on puisse utiliser. Ma la yatimu al-wajib, donc ce qui est indispensable et nécessaire pour compléter une obligation, devient à son tour obligatoire. Donc c'est une chose, on ne peut l'accomplir, elle est obligatoire, uniquement en utilisant un moyen, alors ce moyen il devient obligatoire. Il prend le même hukm. Donc on voit ici, c'est une unité dans les hukm. Ça va en fait unir autour du même hukm. Ça va être uni autour du même hukm. Et comme on a dit, le wajib, on peut le remplacer. Et on peut dire ma la yatimu el mandoub illa bihi fawa mandoub. On peut dire également ma la yatimu el mubah illa bihi fawa mubah. Tayyib. Et on peut dire également ma la yatimu al-muharram illa bihi fawa muharram. C'est-à-dire ce qui est nécessaire pour faire une interdiction, c'est-à-dire on veut faire une interdiction, mais pour faire cette interdiction, on a besoin d'un moyen. Ce moyen devient également à ce moment-là interdit. Si le but c'est l'interdiction, alors ce moyen deviendra également l'interdiction. Ma la yatimu al-muharram illa bihi fawa muharram. Donc on voit, on a juste remplacé par les cinq termes. et qui reflète donc le, pour chacun les cinq statuts que l'on retrouve dans Al-Ahkam. Et ensuite donc on aura compris la règle de façon générale. Bien sûr, ensuite on va détailler, on va donner des exemples. On a parlé de moyens, mais également on va voir à travers ce que va nous expliquer le shir, c'est qu'il rentre également Ash-Shurut dedans. Ash-Shurut, c'est-à-dire les tout ce qui va kullu ma yatafarra, ou tout ce qui va découler de cela. Ash-Shurut, par exemple les conditions. Si maintenant pour accomplir une obligation, on est obligé de passer par des conditions, alors vu que c'est une obligation, on devra donc obligatoirement faire ces conditions. On voit également que la question des conditions rentre sous cette règle également. À titre d'exemple, pour prier, pour pouvoir prier, on a besoin de conditions, comme istiqbal al-qibla, comme al-tahara, etc. Tout ce qui rentre dans shurut al-salah, les conditions de la prière. On sait que la prière est obligatoire, donc ces shurut, elles deviennent à ce moment-là obligatoires. Et ça rentre donc sous cette règle-là. Pour ce qui est des exemples, si on prend maintenant, lorsqu'on a un objectif qui est une obligation, qui est donc la prière fil masajid, jama'atan, lorsqu'on doit prier donc l'homme, pour ce qui est de l'homme, non la femme, mais l'homme, il doit prier obligatoirement dans la mosquée, et prier donc en groupe, on sait qu'il ne peut atteindre ce but que par des moyens. Et parmi les moyens, c'est le fait de se rendre donc à la mosquée. Et pour se rendre à la mosquée, donc, on s'y rend à la mosquée à pied ou en voiture, à cheval, en scooter, à la kulihal, tout ce qui va nous permettre de pouvoir arriver à la mosquée, de prier en groupe, ça va devenir donc obligatoire. Donc le fait d'aller à Sa'i de façon générale, que ce soit à pied ou autre, le principal c'est de se rendre à la mosquée. Donc le fait de se rendre à la mosquée, par n'importe quel moyen, ça va devenir une obligation par rapport à ce qui nous est facilité. Ça c'est un exemple de l'application de cette règle, al-wasa'ilu laha ahkam al-maqasid. De même, pour al-jihad fi sabilillah, parce que c'est fard ayn, parce que tout le monde doit le faire, alors à ce moment-là, tout ce qui va permettre de combattre, et tout ce qu'on a besoin donc pour combattre, ça devient également une obligation. Pour ce qui est, à titre d'exemple, mustahab, la personne, si elle veut donc écouter des assises de science, alors pour s'y rendre, il doit bien entendu avoir un moyen, que ce soit en voiture, etc. Et donc ça se rend dans le mustahab, c'est-à-dire il est préférable pour lui, il est recommandé d'assister au cours pour apprendre sa religion. Et donc à ce moment-là, pour y parvenir, il lui faut des moyens, ces moyens donc deviendront mustahab, vu que ici le maqsad ou mustahab. De même pour ce qui est de al-mubah. Al-mubah. Si on prend la question de talab al-risq, le fait donc de chercher la pourvoyance, c'est quelque chose qui à la base mubah. Et si bien entendu avec la niya la personne yartaqi, c'est-à-dire avec sa niya, il va à un degré qui est plus élevé, mustahab, et ça peut même devenir wajib si la personne elle n'a pas d'autre moyen sinon d'accomplir un travail pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Alors ça devient pour lui une obligation. S'il n'a pas d'autre moyen, et s'il ne le fait pas, et si donc sa famille n'a plus le moyen de pourvoyance, alors ça peut rentrer même dans ce qui est wajib, suivant l'ahwal, suivant donc les états. Pour ce qui est de al-muharram, al-makruh, pour ce qui est de al-muharram, à titre d'exemple, ce qui est interdit, et si on sait que al-maqsad, il est bien entendu muharram, alors son moyen, ça deviendra l'interdiction. À titre d'exemple qu'on peut donner, si la personne elle est contactée ou elle trouve un travail pour ce qu'on appelle les vendanges du raisin, mais elle sait que ceux qui vont le contacter et les gens qui le contactent sont par exemple des non-musulmans et que d'après le raisin qu'ils vont récolter, ils vont faire du vin. Alors à ce moment-là, il est interdit de travailler dans ce qu'on appelle les vendanges parce que la personne elle va en fait travailler pour accomplir un but, et le but à la fin c'est al-haram. Donc ce moyen, le moyen ici c'est le fait de récolter les raisins, etc., et ensuite de les donner à la personne qui va elle en faire du vin. On voit bien ici que le maqsad c'est muharram. Donc le moyen devient également donc muharram. Donc il est interdit de faire ce métier-là. Ou alors de vendre. Si la personne, on sait que elle va racheter ce raisin pour faire du vin, alors ça devient également ici muharram. Elle va s'en servir. Fil haram, ça devient donc muharram. Car al-wasa'il laha ahkamul maqasid. Et donc ici c'est wasila. Ce qu'il va prendre lui c'est une wasila. C'est un moyen pour parvenir donc à ses fins. Et ses fins c'est al-haram. Par contre, si faire les vendanges, par exemple dans un pays musulman, et on sait que c'est uniquement ce raisin qui va être fait pour faire des choses qui sont permises, comme du rasir, c'est-à-dire donc des jus de raisin, etc., alors ça devient bien entendu ici aqal shay mubah, car hadha huwa amr mubah, fa ma la yatimmu al mubah illa bihi fa huwa mubah, etc. Donc, on pourrait prendre beaucoup, beaucoup d'exemples. Le principal, c'est qu'on ait compris donc la règle, ce qu'elle contient. Et bien entendu, il va y avoir beaucoup de ce qu'on appelle le furu', beaucoup de branches, donc qui découlent de cette règle-là. Et le shirk va nous en citer plusieurs. Et donc, on va les voir pour donc élargir la compréhension de cette règle et tout ce qui rentre dedans. Et on sait que lorsque, sous une règle, il y a plusieurs autres règles qui en découlent et beaucoup de branches qui en découlent, alors ça prouve que cette règle est forte, très forte. C'est-à-dire, fil quwa. C'est-à-dire c'est une règle qui est très forte dans l'islam. Un point également que l'on cite avant de rentrer dans ce qui est al-furu', on s'aperçoit à partir de là que le moyen que l'on va donc accomplir pour pouvoir accéder à nos fins et donc au but, il va également en ressortir une récompense, ou alors il va en ressortir également une mauvaise action, donc une punition. Si par exemple mathalna, l'exemple qu'on a donné, lorsque la personne elle va pour prier, donc le moyen pour y aller c'est de marcher à pied à titre d'exemple ou autre, le fait qu'elle va marcher pour se rendre à la mosquée, ses pas vont être comptés et ses pas vont être rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous ont indiqué beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens là de même la personne qui va agir pour pouvoir accéder au haram, qui va donc utiliser des moyens, ces moyens, de par ces moyens là également il va être puni, également il va être puni. Mais ce qu'il faut savoir également, ça c'est un point qui est important, c'est que dans la récompense il y a des niveaux et que l'objectif il est bien plus élevé dans la récompense. Si par exemple la personne elle part pour accomplir une bonne action, de par l'accomplissement de ce moyen elle va avoir une bonne action, elle va récolter une bonne action. Mais lorsqu'elle va atteindre cet objectif et à ce moment là elle va donc accomplir son objectif, l'objectif même qui est en fait une soi en lui-même, alors la récompense est bien plus élevée. Donc c'est une question de darajat, c'est une question de degré dans la récompense, sachant que dans la plupart des cas, le moyen va être moins élevé en récompense que l'accomplissement de l'objectif lui-même, en lui-même. Et c'est pour ça que Cheikh Sa'di, rahmatullah alayh, il va nous rappeler un verset du Coran et l'explication qui en était donnée. Et c'est le verset 12 qui fait surat Yassin. « Wallah azza wa jalla yaqul, inna nahnu nuhyi al-mawta » ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. Il nous donne donc l'explication de ce verset, Cheikh Sa'di rahmatullah alayh. Donc c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces. Donc leurs traces, وآثارهم. Et il nous dit donc que c'est tout simplement les pas qu'ils ont accomplis et les actes qu'ils ont accomplis pour pouvoir donc concrétiser leur adoration. Et au contraire, également, c'est-à-dire la personne qui a utilisé un moyen pour pouvoir accéder à quelque chose qui est muharram, interdit également, ça va lui être écrit. Donc c'est dans les deux sens. Ça c'est l'explication du verset « Inna nahnu nuhyil mawta Le shir ensuite il va nous donner des furu'. Non, le shir ensuite il va nous donner des furu', c'est-à-dire donc des branches, tout ce qui découle de cette règle-là, qui passe en fait par des exemples dans beaucoup des cas. Wa min furu'i hadha al-asr qawl al-ulama idha dakhala waqtu 'ala 'adim al-ma. Non, lorsqu'une personne musulmane et qui prie, lorsque l'heure de la prière est arrivée et qu'elle n'a, elle n'est pas en possession d'eau et dans un endroit où il n'y a pas d'eau, alors yalzamu, c'est-à-dire ça devient une obligation pour lui de chercher l'eau. Ça rentre donc dans al-wasa'il. Al-wasa'il. Pourquoi? Parce que c'est une wasila. L'eau, c'est une wasila pour donc se purifier. Et se purifier, c'est une des conditions de la prière. Donc automatiquement ici, la personne elle doit chercher dans les endroits où elle espère trouver de l'eau, elle doit le faire. C'est-à-dire donc, il est obligatoire qu'elle cherche dans les endroits où elle espère trouver de l'eau. C'est une obligation ici. Car prier à l'heure, c'est une obligation. Et ça rend donc, fi malayatim al-wajib illabi, fa wajib. Et même, les savants ont été encore plus loin, et ils ont dit que si il n'a pas trouvé d'eau, mais qu'une personne vend lui de l'eau, alors il lui est obligatoire d'acheter cette eau pour faire ses ablutions et donc pour accomplir sa prière. Bien entendu, ils ont placé une limite pour ce qui est de l'achat. Il ne faut pas donc que ce soit un prix qui soit beaucoup trop élevé. La taburru, un prix qui pourrait porter préjudice à la personne lorsqu'elle paye cette eau-là. Ça reste dans ce qui est correct pour ce qui est de l'achat de l'eau. Ça rentre dans Hadil Furwa. Il nous dit également le shir, parmi ces branches, Wujub ta'allum sana'at allati ihtaju an-nasu ilayha fi amr dinihim wa dunyahum. Donc également, c'est apprendre tout ce qui rentre dans sana'a, tout ce qui donc rentre dans ce dans la fabrication. Tout ce qui rentre dans la fabrication de façon générale, lorsqu'on dit sana'at, c'est la fabrication de façon générale, en dedans le monde de l'industrie, etc. Donc également, c'est une obligation de l'apprendre. Car on sait que, par exemple, de notre temps, les gens, ils ont besoin de tout temps. Bien entendu, après, umur, tatawwarat, c'est-à-dire, il y a eu, bien entendu, la progression, l'expansion dans ce domaine-là. À la kulli hal, suivant la période où il vit, la personne, il doit donc apprendre ce qui est profitable donc et ce qui est indispensable même à la communauté musulmane pour ce qui est du domaine de la fabrication. Et ce qu'ils ont besoin, que ça touche leur religion directement ou alors que ça touche également leur vie de façon générale. Également le shir il nous dit, parmi le furu', l'obligation d'apprendre les sciences qui sont utiles. Waya qismen. Et elles sont de deux catégories ces sciences. Celles qui sont dites ulum ta'allamuha fardhu 'ayn, c'est-à-dire des sciences dont leur apprentissage reste obligatoire pour tout le monde. Et quand on dit obligatoire pour tout le monde, c'est ce qui va entrer dans ce que l'homme il a besoin de connaître dans sa religion. C'est-à-dire savoir prier. Pour savoir prier, il faut bien entendu apprendre comment on prie. Connaître son Seigneur. Connaître également ce qui est en fil mu'amalat, donc al-huquq, les droits de tel ou tel, pour pouvoir donc les accomplir, les droits qui rentrent dans ce qui est obligatoire. Tout ça, c'est des choses que l'homme, il doit apprendre. Et il doit l'apprendre, chaque personne doit l'apprendre. Ça, c'est fard, a'in. Wa-thani, et la deuxième catégorie, c'est ce qui rentre dans fardu kifaya. C'est-à-dire que si un groupe, une personne, ou alors un groupe de personnes, accomplit cette obligation, alors elle n'est plus obligatoire pour toute la communauté. Ça, on l'avait déjà vu. Et le shir, bien entendu, nous donne des exemples, que ce soit également dans la religion. Dans la religion, à titre d'exemple, l'adhan, apprendre comment on fait l'adhan. Si une personne donc apprend comment on fait l'adhan et fait l'adhan, alors cette obligation, elle n'est plus obligatoire pour les autres. Que ce soit également tajjiz al-maut avec tarsil, lorsqu'on veut nettoyer la personne qui est morte, il faut savoir comment on nettoie la personne. Également takfin, as-salat, al-hamd, al-dafn, tout ce qui va entrer donc dans al-janaiz, c'est-à-dire lorsqu'on prie sur le mort, lorsqu'on enterre le mort, etc. Donc ça, il faut qu'il y ait des gens qui aient du fiqh, la jurisprudence dans cela, qu'ils sachent l'accomplir. Ça également, c'est obligatoire, mais si un groupe de personnes ou des personnes le font, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste des autres. De même pour ce qui est de zira'a, de même pour ce qui est de la culture, car l'homme il a besoin de cela. Donc tout ça, ça rentre dans la deuxième catégorie qui est farbu, kifaya. Également parmi elles, al-furu', al-ulum al-shar'iyya, c'est-à-dire les sciences de la religion, de la législation musulmane, et qui sont elles deux catégories. Et on va retrouver les mêmes termes employés, c'est-à-dire la première catégorie qui s'appelle maqasid, donc les buts, et qui tout simplement ilm al-kitab wa sunnah. Donc le but que l'on doit atteindre, c'est la science du livre de la sunnah. Ça c'est le maqsad, c'est le but même, c'est une fin en soi-même. Ilm al-kitab wa sunnah, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, wasa'il, comme ulum al-arabiyya bi anwa'iha, c'est-à-dire apprendre la langue arabe. Donc apprendre la langue arabe et tout ce qui rentre dedans comme catégorie, que ce soit al-nahu, al-sarf, al-balagha, tout ça, ça rentre dans ce qui est obligatoire pour donc pouvoir comprendre le livre et la sunna. Donc on est bien ici al-maqasid ou al-wasa'il. Donc ça c'est wasa'il, c'est ulum tatroul fil wasa'il, elle rentre donc dans les moyens, ou alors que ce soit également ilm al-usul, etc. Également le shir il nous dit, et ça rentre également dans les furu', et on a eu un aperçu au départ, c'est tout simplement que toute chose qui est à sa base licite, mais qui va nous mener, si on l'accomplit, à le délaissement d'une obligation, ou alors à ce qui est muharram, ça devient donc à ce moment-là muharram. Ça devient donc muharram. Cette fois-ci-là, elle devient muharram. Il nous dit, à titre d'exemple, comme il est interdit de vendre et d'acheter après qu'il y a eu le deuxième appel, Yom al-Jumu'ah. Et comme Allah Azza wa Jalla dit dans son livre, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. Oh vous qui avez cru, quand on appelle à la salah du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. De même, si on fait une chose qui est mubah, mais lorsqu'on va la faire, ça va nous faire perdre le fait d'accomplir la prière à l'heure, alors ça devient également muharram. De même, comme il nous dit le shir, la yahillu al-bay'u 'ala man yurid an ya'mal biha ma'siyah ka bay'a al-'asiyah 'ala man yattakhidhu khamran. Donc comme on l'a dit, il est interdit donc de vendre à une personne, par exemple du raisin ou autre, tout ce qui rentre dans al-'asiyah, dans les jus, donc à partir de ce jus il va en faire de l'alcool, du khamr. De même pour ce qui est de vendre des armes à des gens qui sont dits ahl al-fitna, des gens qui font le mal, comme quttaa' al-tariq, comme ceux donc qui coupent les routes, etc. Donc tout ça, ça rentre sous cette règle-là. De même, ce qui va rentrer dedans, ce qu'on appelle al-hiyal, c'est-à-dire al-hiyal qui sont les ruses. Les ruses afin d'obtenir une chose qui est muharram en réalité. Et le shir nous donne des exemples. À titre d'exemple, al-aina, qui est une sorte de vente, mais qui est une vente muharram. Pourquoi? Parce qu'elle contient al-muhila. Et donc, lorsque al-maqsad c'était al-muharram, al-wasila, qui est ici al-bay' ou shira, sara muharraman. Tout simplement. Al-aina, c'est lorsqu'une personne, elle achète un produit d'une autre personne, quoi qu'il soit. Un produit. Petit exemple, il achète une voiture. Bi-ajal, mu-ajal, thaman, mu-ajal. C'est-à-dire, il lui dit, je te vends cette voiture et dans 5 mois tu me donneras l'argent. C'est un accord qui est passé. Ça, c'est permis à la base. Je t'ai vendu cette voiture, par exemple, 4 000 euros. Et dans 6 mois, tu me donneras l'argent. Une fois que l'accord il est fait, et sa voiture elle est vendue, la personne elle revient vers lui, elle lui dit, si tu es d'accord, je te rachète cette voiture-là. Si par exemple la personne, ça se peut qu'elle soit dans le besoin ou qu'elle aura du mal donc à payer cette voiture à la fin, lui il revient vers cette personne, lui dit, moi je te rachète donc cette voiture, mais à moindre prix, par exemple à 3 000 euros. Et lui, il est d'accord pour cela. Ça veut dire qu'il va reprendre la voiture, qu'il l'aura vendue à 3 000 euros, mais vu que l'accord à la base c'était 4 000 euros, donc il faudra qu'il lui rende quand même 1 000 euros. Donc ça c'est ce qu'on appelle al-ayna. Et donc la personne, de par cela, elle a accédé à une chose qui est muharram. Et donc c'est devenu hadith wasila, bi'a wa shira, c'est devenu à son tour muharrama. Hada al-ayna. Le cheikh, bien entendu, va donner beaucoup d'exemples. Parmi les exemples également qu'il a donné, rahimahullah, qatl al-mousa lahu wa qatl al-warith, ou man talaqa zawjatahu fi marad mawtih. C'est-à-dire ici qu'une personne, par exemple, qui est héritière, elle va tuer celui qui a bénéficié de la part de celui qui est mort, ce qu'on appelle al-wasiya. Al-wasiya. Donc cette wasiya, elle lui revient de droit. Mais la personne, lorsqu'elle tue celui à qui venait de droit cette wasiya, qu'on lui devait, alors automatiquement cette wasiya va être annulée et ça va donc augmenter la part pour les gens qui rentrent dans al-warafa, c'est-à-dire les héritiers. Donc la personne, elle a voulu par là quelque chose qui est muharram. Taïb, qu'est-ce que c'est al-thawab? Il n'aura plus droit à l'héritage. Ou alors de même, on dit al-musalahu, mais également al-mu aussi. C'est-à-dire que la personne, elle tue une personne qui lui avait fait donc une, comme on l'a vu également, une wasiya. Et à partir de là, yu'ajjil kasb al-wasiya, afin qu'il prenne plus vite al-wasiya. Donc ça devient à ce moment-là harram lahu. De même pour ce qui est bien entendu al-warif, c'est la même chose. De même pour celui qui va divorcer sa femme au moment où il est malade. Mais cette maladie, il sait que c'est la maladie de sa mort. Par exemple, une personne qui est gravement malade, qui a par exemple le cancer, et une maladie dont on n'espère plus la guérison, à ce moment-là, l'homme, il divorce sa femme pour qu'elle n'ait pas accès à quoi, l'héritage, lorsqu'il l'aura divorcé. Donc ici, bien entendu, c'est une wasila. C'est un moyen pour arriver à ce qui est muharram. Et le muharram, c'est de priver sa femme de l'héritage. Et bien entendu, ici, c'est interdit. C'est-à-dire, même si yutalliquha, elle aura l'héritage. Yani nu'amilu binaqidi. Ou binaqidi qasdihi. Quand dans al-furu'a, ce qu'on appelle al-adl, al-adl avec ad-da, al-adl, adl al-zawj, li zawjati bighayri haqq. C'est-à-dire, comme Allah Azza wa Jalla dit dans son Coran, ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ببعض ما آتيتموهن. C'est-à-dire que certains hommes, hadahum Allah, qu'est-ce qu'ils font avec leur femme lorsque il veut divorcer sa femme, il ne veut plus vivre avec elle. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est-à-dire qu'il va faire ce qu'on appelle al-'abd, c'est-à-dire qu'il ne va pas la divorcer directement, mais qu'il va lui rendre la vie impossible et qui va complètement la délaisser jusqu'à ce qu'en réalité elle, d'elle-même, elle demande le talaq et qu'elle rentre dans ce qu'on appelle le khul et qu'elle soit donc ensuite obligée de donner ce qu'il lui avait donné. Donc lui, il a fait ça, il aurait pu la divorcer directement, mais il a fait ça pour récupérer de son bien. Et donc, bien entendu, ça c'est nous aussi là qui est muharram, parce que le but, il est muharram. Et donc ici, même si elle fait cet acte là c'est pour ça qu'il dit le shir, فَلَا يَحِلُّ الْأَخْضُ مِنْهَا فِي هَذِي الْحَلِ. Il n'est pas permis donc qu'il prenne quelque chose d'elle dans cette situation, situation de ce qu'on appelle l'abd. Naam, ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous avez donné. Et naam. Ce qui rentre également فِي هَذِي الْفُرُوَ, c'est lorsqu'une personne, elle nous fait un cadeau حَيَاءً, ou khawfan. C'est-à-dire, il arrive qu'une personne elle fasse cadeau à une autre personne par honte. Ou alors par peur. Ici, al-wasila devient muharram. Parce qu'il n'est pas permis de prendre un cadeau lorsqu'on sait que al-qasd de ce cadeau-là, c'est-à-dire le but de ce cadeau-là, c'était en réalité al-haya, la honte, ou alors al-khawf. Si par exemple on sait qu'une personne elle a beaucoup honte de nous et qu'on va vers elle et qu'on lui dise, par exemple qu'elle a une montre ou quoi que ce soit, qu'on lui dise comment elle est belle, ta montre, et qu'on insiste et qu'on sait que la personne de honte, il y a des gens qui sont comme ça de honte, il va lui offrir, alors à ce moment-là on n'a pas le droit de l'accepter. Ou alors également dans le cas de al-khawf, c'est-à-dire de la peur. C'est pour ça qu'il dit le shir, وَمَنْ أَهْدَ لِغَيْرِي حَيَاءً مِنْهُ أَوْ خَوْفًا مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدٌّ, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de rendre ce qu'on lui a donné. Pour ce qui est donc de al-hiyal, le shir va nous dire, et on est toujours dans les règles ici, si c'est al-qasd, on a vu dans toutes ces ruses, al-qasd, al-maqsad, c'était quoi? C'était al-haram. Donc al-wasa'il devenait haram. Donc les ruses qui étaient en réalité des moyens pour parvenir à ce qui est haram. Donc toutes ces ruses, elles étaient interdites. Mais il se peut que des ruses, elles soient hiyal, elles soient donc autorisées. Et peut-être même dans certains cas, obligatoires. Si le résultat est al-maqsad, il est wajib ou mustahab. C'est pour ça qu'il dit le shirk fal-hiyal, wallati yutawassul biha ila istikhraj al-huquq mubaha. بل مأمور بها فالعبد مأمور باستخراج حقه والحق متعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. Donc il va nous donner des exemples, le cheikh, par rapport à ce qu'il a dit, des exemples du Coran. Deux histoires qui nous ont été citées dans le Coran où on voit que des gens parmi les prophètes, ils ont utilisé la ruse pour donc accéder à une chose qui va être le bien, al-khayr. La première chose, c'est ce qu'il nous dit le shaykh. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده. Il a dit Allah عز وجل كذلك كدنا ليوسف. كذلك كدنا ليوسف. On sait que Yusuf, il a utilisé une ruse lorsque ses frères sont venus. Tout le monde connaît l'histoire de Yusuf, inshallah. Et donc lorsque ses frères sont venus avec son petit frère pour qu'il garde son petit frère auprès de lui et protège donc son petit frère, il a utilisé une ruse. La ruse ici, c'était qu'est-ce que c'était? Al-qasd, c'était al-qasd al-khayr, le bien donc, et quelque chose qui était un haqq pour protéger donc son frère. Donc on sait ce qu'il a fait lorsqu'il a mis ce qu'on appelle suwa' al-malik dans ce que transportaient donc ses frères, et qu'ensuite ils ont fait appeler, qu'ils ont dit que c'est eux qu'ils avaient volé ces sortes donc de récipients et qui appartenaient donc au roi. Et donc lorsqu'ils ont su ça, il leur a permis de les laisser libres, mais à condition donc qu'ils laissent le frère. Donc ça, c'était une ruse. Et Allah Azzawajal dit à la fin كَذَلْكَ كِدْنَا لِيُوسُفْ. Donc cette ruse, elle était pour accéder à quelque chose qui était dans le bien fil khair وَحَقْ. Donc c'est pour ça que ça a été permis. C'est pour ça qu'il dit al-hiyal allati taslam biha an-nufus wal amwal, donc qui permettent de protéger les âmes et les biens. De même, ce qu'a fait al-Khadir, tout le monde connaît bien entendu l'histoire entre Moussa, comme a fait surat al-Kahf, surat qu'on a lu aujourd'hui, al-Kahf, et on sait qu'al-Khadir, lorsque il est avec Moussa, il a fait un acte. Cet acte-là, il a tout simplement rendu des bateaux dans un état de dysfonctionnement. Naam, ainsi pour le verset. Ainsi, suggérons-nous cet artifice à Joseph. Et naam, pour Al-Khabar, donc, qu'est-ce qu'il a fait avec les bateaux? Il les a mis dans un état de dysfonctionnement ou autre, afin qu'ils ne soient pas pris par, car on sait qu'il y avait un roi qui prenait tous les bateaux qui passaient devant lui, il les prenait donc, Taïb. Et donc il a fait ça al-Khabar, pourquoi? Pour qu'une fois que le roi il voit que c'est un bateau qui fonctionne mal, alors qui est complètement cassé, il l'a délaissé. Donc il a fait ça pour protéger les biens de ces gens-là et leur âme. Donc on a vu ici également que ça rentre dans al-Hila. C'est pour ça qu'il dit ensuite le shir, فَالْحِيلَةُ تَابِعَةُ لِلْمَقْصُودِ حُسْنُوَا وَقَبِيحُوَا. C'est-à-dire donc que الْحِيلَة, elle suit ce qui est voulu. Donc elle prend le même hukm de ce qui est voulu. فِي الْحُسْنِ وَفِي مَا وَقَبِيحُ. C'est-à-dire dans ce qui est bien ou alors dans ce qui est mal. Si c'est mal, muharram, alors c'est de même. Et si ce qui est bien fil khair, alors ce sera de même pour al-hila. Ce qui entre également fil furu' dans les branches donc de cette règle-là, c'est an-nahy 'an kulli ma yuhdith al-'adawa wal-baghda, ka kal-bay' 'ala bay' al-muslim wal-'aqd 'ala 'aqdi wal-khitbah al-nikah, etc. Donc le cheikh nous dit ce qui rentre également dedans, c'est l'interdiction d'accomplir tout ce qui peut faire naître entre les musulmans al-adawa, al-barda, la haine et la dissension entre eux. C'est pour ça qu'on voit que dans le sharia, dans la législation, il nous est interdit de vendre sur la vente de notre frère. Et également, il nous est interdit de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage par un autre frère, etc. Tout simplement parce qu'on sait que ça va créer la haine entre les gens. Wal-barda, al-adawa. Donc, on est toujours sous cette règle-là, et c'est pour ça qu'il est interdit de faire ce qui va amener à cela. Comme il est mustahab de faire le contraire, de faire ce qui va amener l'accord et la fraternité entre les frères. De même, ce qui rentre toujours dans les branches de cela, un nadr, donc bien entendu le vœu, lorsqu'une personne elle fait un vœu de faire quelque chose, c'est-à-dire lorsque elle dit si Allah Azza wa Jal il m'accorde ce bien, ou alors s'il m'accorde ce risque, ou alors s'il m'accorde ce travail, ou etc., alors je ferai telle adoration. Par exemple, je vais jeûner un mois, etc. On sait que dans la religion, le fait de faire cela, nadr, c'est quelque chose qui est makruh, qui est détestable. Mais dont al-wafa wa wajib. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, comme fil hadith al-muttafaqun alayh, innahu la yati bi khayr, wa innama yustakhraj bi min al-bakhil. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne vient pas par bien, mais qui sort de la personne qui avare. C'est pour ça qu'il est détestable de faire un nadr, ce qu'on appelle donc un nadr. Mais lorsque la personne elle a fait ce nadr, alors si c'est fita'atillah, si c'est dans l'obéissance à Allah Azzawajal, alors il est obligé de le faire. C'est parce qu'elle a dit je jeûne un mois si j'accède à ce travail, alors si Allah Azzawajal permet de m'accéder à ce travail, alors il lui sera obligatoire de jeûner donc un mois, comme il a dit dans son âme. Taïeb, ça rentre également dans cela. C'est pour ça que, pourquoi on dit c'est makro? Parce que beaucoup de gens, ils sont si'a ou afia, c'est-à-dire qu'ils sont dans un état qui est honorable. Mais lorsqu'ils tombent dans un âme, il se peut donc que il y a trop long film à chakra dans les problèmes et dans les difficultés, etc. Alors qu'ils étaient, ils n'avaient pas besoin de cela. Également, ce qui rentre dans al-furu' et ce qu'on a déjà vu, on sait que la personne, lorsqu'elle divorce sa femme trois fois, après la troisième fois, il ne pourra plus se marier avec elle, sauf si elle se marie avec un autre homme et que cet homme-là la divorce, et qu'ensuite, donc, il pourra se marier avec elle. Taïb. Et donc, s'il se met en accord avec une autre personne, une fois qu'il a divorcé sa femme trois fois, pour qu'il se marie avec elle, et qu'ensuite il la divorce, et qu'ensuite il se remarie avec elle. Donc, s'il y a un accord, alors cela également c'est interdit, comme cela est venu dans la sunna du prophète sur Sam, c'est strictement interdit. Pourquoi? Parce que le qasd c'est obtenir ce qui est par un biais, donc muharram c'est obtenir ce qui est donc interdit. C'est interdit donc de faire un acte tel quel, voici là, de pouvoir réaccéder à sa femme après qu'il l'a divorcé trois fois. Donc c'est quelque chose, le qasd ici c'était quelque chose qui était interdit. Il est donc interdit que la personne elle se mette en accord avec une autre personne pour qu'elle se remarie avec elle et pour qu'ensuite il la divorce. Taïb, c'est uniquement dans le cas où c'est fait involontairement. C'est-à-dire que réellement la personne s'est mariée avec elle et qu'ensuite réellement il l'a divorcée parce qu'il ne pouvait plus vivre avec elle, ne voulait plus vivre avec elle. Taïb, donc tout ça rentre dans Al-Fourour que le Shir il nous a cité. Ensuite, une dernière question que l'on fait rentrer donc sous cette règle, C'est lorsque al-qasd, il est ma'loum, c'est-à-dire qu'il n'est plus présent, alors al-wasila devient donc également plus nécessaire. Elle devient donc plus nécessaire. Donc, lorsque la personne, il n'est pas obligatoire pour elle, à titre d'exemple, qu'elle fasse le hajj, alors, donc le qasd ici, il n'est plus présent. Car pour elle, à ce moment-là, le hajj n'est pas obligatoire. Taïeb, pour maintes raisons, pour vieillesse, ou alors une maladie, etc. Donc il n'a plus à chercher les moyens par lesquels il va se rendre et qu'il va utiliser pour faire le hajj. Également, donc ça c'est une question qui rentre dedans. C'est-à-dire lorsque le qasd ou ma'loum, il devient donc yasqut, il devient inexistant, alors de même pour ce qui est de al-wasila. Et ici donc une question qui vient se poser, c'est qu'on sait que la personne, lorsqu'elle fait son hajj ou lorsqu'elle fait sa umrah, est qu'au moment de la désacralisation, et on sait que at-tahallul, il passe par halq al-ras. At-tahallul, donc le fait de se désacraliser, il passe par le fait de se raser les cheveux, ou alors de se couper les cheveux. Taïeb, c'est une personne maintenant qui est dite aslar, c'est-à-dire qui est chauve, qui n'a pas de cheveux. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? On sait que al-qasd ici c'est halq al-sha'r, pour accéder à ce qu'on appelle tahallul, désacralisation. Taïeb, cette personne-là, ici al-qasd ma'doum yasqut, c'est-à-dire qu'il n'est plus présent, vu qu'il n'a pas de cheveux, donc on n'a pas à raser ses cheveux. Pourtant, on voit que beaucoup de savants, même certains savants, ont cité l'ijmar, qu'il était mustahab là-haut, qu'il était recommandé pour lui, qu'on passe le rasoir sur sa tête, sur son crâne. An yumir al-musa ala rasi. Et donc, en réalité, ça peut poser un problème si on revient à ce qu'on a dit précédemment, lorsque on voit l'istirbab, sachant qu'en réalité, il y a certains savants, il y a un ifi khilaf, c'est-à-dire il y a une divergence dans cette question, et ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas besoin, malgré que certains ont dit al-ijma' ali, ala kulli hal. On peut répondre ici à cette question-là que tout simplement on est fi hal ta'abbud, c'est-à-dire dans ce qui est pur à l'adoration. Ala kulli hal, ici c'était un dernier point, une petite information que l'on citait pour faire rentrer également dans la règle. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.